Tu t'es glissé dans ma vie, sans faire de bruit, sans prévenir. Comme une brise qui adoucit un cœur qui ne sait plus quoi sentir. T'avais pas besoin de mots, juste d'un regard posé pour allumer ma peau, là où je pensais plus vibrer. Et je me suis laissé toucher par ta manière d'exister. On a grandi trop vite, entre les doutes et les cris. On a cherché des pistes pour trouver un abri. Mais on a toujours su qu'on valait mieux que nos peurs, qu'on pouvait à deux inventer notre couleur. Et si le monde tremble, on restera ensemble. Le monde qu'on rêve tiendra debout sous nos pas. Le monde qu'on rêve commence juste avec toi. On efface les blessures, on réécrit l'aventure. Le monde qu'on rêve, on le construira. Toi et moi, on se relève encore quand l'univers nous défie. On fait battre plus fort les battements de nos vies. Rien n'est jamais trop tard, on porte nos espoirs comme un refrain qui survit. Et je me suis laissé toucher par ta manière d'exister. Le monde qu'on rêve tiendra debout sous nos pas. Le monde qu'on rêve commence juste avec toi. On efface les blessures, on serra plus fort nos étapes. Le futur n'a pas de loi si on le crée à deux, toi et moi. Le monde qu'on rêve tiendra debout sous nos pas. Le monde qu'on rêve commence juste avec toi. On efface les blessures, toi et moi.